On annonça successivement Crevel, le baron Hulot et un député nommé Beauvisage. Ce personnage, un Crevel de province, un de ces gens mis au monde pour faire foule, votait sous la bannière de Giraud, conseiller d'État, et de Victorin Hulot. Ces deux hommes politiques voulaient faire un noyau de progressistes dans la phalange des conservateurs. Giraud venait quelquefois le soir chez Madame Marneffe, qui se flattait d'avoir aussi Victorin Hulot, mais l'avocat puritain avait jusqu'alors trouvé des prétextes pour résister à son père et à son beau-père. Se montrer chez la femme qui faisait couler les larmes de sa mère lui paraissait un crime. Victorin Hulot était au puritain de la politique ce qu'une femme pieuse est aux dévotes. Beauvisage, ancien bonnetier d'Arcis, voulait prendre le genre de Paris. Cet homme, une des bornes de la chambre, se formait chez la délicieuse, la ravissante Madame Marneffe, où, séduit par Crevel, il l'avait accepté de Valérie pour modèle et pour maître. Il le consultait en tout, il lui demandait l'adresse de son tailleur, il l'imitait, il essayait de se mettre en position comme lui. Enfin, Crevel était son grand homme. Valérie, entourée de ses personnages et des trois artistes, bien accompagnée par Lisbeth, apparut d'autant plus à Venceslas comme une femme supérieure que Claude Vignon lui fit l'éloge de Madame Marneffe en homme épris. « C'est Madame de Maintenon dans la jupe de Ninon, » dit l'ancien critique. « Lui plaire, c'est l'affaire d'une soirée où l'on a de l'esprit, mais être aimé d'elle, c'est un triomphe qui peut suffire à l'orgueil d'un homme et en remplir la vie. »